Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. C'est la chronique de la Ligue canadienne de football et des Alouettes avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, on va parler évidemment de ce qui s'est passé dans la Ligue canadienne de football cette semaine, de l'actualité. Andy Fantuz, lorsqu'on parle d'un bon joueur canadien, là, Andy Fantuz en était un. Il y avait des mains sûres, ce gars-là. Écoute, Dan, Andy Fantuz est exactement des mêmes années que moi. Et lors de sa dernière année universitaire, qui était ma dernière année universitaire, lui étant receveur de passe et moi demi-défensif, dans nos quarts de finale, ben dans les finales conférences, là, eux, ils jouaient pour Western, puis ils jouaient contre McMaster, puis moi je jouais pour l'Université Laval. Et on avait tous les deux eu une saison, on était All-Canadien les deux, puis on était pas mal le prochain... Ils ont été supposés être les prochains à s'affronter, mais McMaster avait battu Western. Sauf s'il avait gagné, j'aurais eu un duel contre Andy Fantuz pour la demi-finale nationale de cette année-là. Okay. Et j'avais regardé toutes les bandes vidéo. C'était, à ce moment-là, déjà un receveur incroyable. Oh ouais. J'ai eu la chance de jouer contre et de le voir évoluer aussi au niveau de la Ligue canadienne. Et a connu toute une carrière. Fait qu'effectivement, c'est un emblème canadien, mais pas seulement canadien, de Ligue canadienne professionnelle incroyable. Donc, toute une carrière pour cet homme. C'était le joueur qui lançait, tu lançais vers lui, c'était pratiquement certain que ça allait être attrapé. Là. Mais c'était un gars avec des mains sûres, mais avec un gabarit imposant, puis avec une vitesse qui était surprenante. Parce que souvent, les grands receveurs n'ont pas l'air de courir aussi rapidement, tu sais, comme Williams à Montréal. Quand tu le vois courir, tu le vois, là, qu'il y a des jets, là. Tu sais, mais lui, les grands receveurs, c'était un peu caché dans leur physique, mais c'était un receveur très complet. Puis effectivement, il avait des bonnes mains, puis il avait un saut vertical incroyable aussi. OK, donc on va surveiller ça. Bien évidemment, c'est un Hall of Fame, ça, hein? Sûrement. J'ai l'impression qu'il a fait sa place après 12 ans là, parmi la catégorie peut-être des Hall of Fame. C'est pas nécessairement une garantie, mais ça pourrait l'être. Il y a des bonnes chances. La farce de la semaine, la joke de la semaine, c'est Terrell Owen qui a été sur la liste de négociations. Ils ont 10 jours actuellement. Bon, on a parlé avec Patrick Henry, qui est notre correspondant de Edmonton. Ils ont 10 jours pour s'entendre avec Terrell Owen, les Eskimos de Edmonton. Sinon, ils vont le libérer. Comment tu vois ça? Moi, je trouve que c'est une vraie farce. Les Eskimos, à quelque part, Terrell Owen a peut-être fait ça pour parler de lui. Faire parler de lui, parce qu'il aime ça faire parler de lui, Terrell Owen. Oui, il aime ça faire parler de lui, mais il a mentionné à multiples reprises qu'il veut jouer au football. Puis il n'est pas dans une position en ce moment, lui, financièrement parlant, il n'y a pas de problème, là. Donc, lui, il veut juste jouer au football pour jouer au football. Puis en ce moment, il était tellement... c'est un gars tellement confiant que d'après moi, il était sûr d'avoir un appel à la NFL depuis l'an passé, j'ai l'impression. Puis là, il est peut-être à un moment où il se dit, ben pour jouer au football, je vais aller dans la Ligue canadienne. Et bon, c'est sûr que c'est comique un peu comme situation. Ah, c'est ridicule. Mais que ça serait le fun de le voir arriver. Moi, j'aimerais bien ça, en tout cas. Je disais ça à Patrick Henry cette semaine. Quand il est dans l'âge que les blessures arrivent, ça arrive vite, une blessure à 44 ans. Oui, t'as pas joué au football pendant 6 ans, ça fait 6 ans que t'as pas joué au football. Donc, effectivement, les blessures. Puis là, on parle pas juste d'une blessure de contact, là, on parle d'une blessure de sprint. Là. Ouais. Je veux dire, les élongations musculaires, ça peut arriver vite. Là. Oui, exactement. Puis c'est sûr que là, le body, il n'y a plus le body qu'il y avait il y a 10 ans. Là, tu sais, donc, mais c'est un gars qui est en forme physique. C'est quand même un freak of nature. Là. C'est un athlète exceptionnel. Donc. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça serait un très bon vendeur de billets, en tout cas. Intéressant, oui, mais pas sûr que ça fait sérieux, mais intéressant, oui. Mais pour la Ligue, moi, j'ai toujours aimé ça, la Ligue canadienne, parce que quelque part, j'ai des vedettes américaines qui débarquent dans la Ligue canadienne, parce que tu sais pourquoi? Ils se sont quasiment tous plantés. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux voir quelqu'un du genre de Terrell Owens que d'un dossier problématique au niveau, tu sais, d'un style de Chad Johnson, là, qui a eu des démêlés avec la justice. Tu sais, j'aime mieux voir une personne, je dis pas qu'il est blanc comme neige, là, Terrell Owens, mais tu sais, Terrell Owens, c'est un showman. Mais tu sais, j'aime mieux ça que voir des athlètes qui se sont fait mettre dehors de la NFL pour des problématiques de consommation de drogue ou de problématiques avec la justice, et puis là qui reviennent faire leur lettre, leur classe avec la CFL. OK. Donc j'ai hâte de voir, mais je suis pas sûr que ça va arriver. Les Eskimos ont pas besoin de ça. T'sais, ils ont des bons receveurs de passe. Brandon Sisro est au camp de la NFL. On me dit qu'il est vraiment pas sûr de faire l'équipe. Donc non, c'est pas garant de la, mais ça fait parler. C'est ça le principal. Exactement. Je le prendrai aux Alouettes certainement, par contre. Ah oui. Oui. Les Alouettes, justement, on va en parler demain, 150e match de Martin Bédard dans la Ligue canadienne de football. C'est celui qui remet le ballon au carrière. Jusqu'à quel point c'est important? C'est un rôle tellement, tellement effacé, Pascal, que dans le fond, c'est important là aussi. Là. Ben, en fait, c'est ça. Lui, sur les remises de beauté. Là, oui, remises de beauté, oui, c'est vrai. Soit les longues remises pour les bottés de dégagement ou les bottés de précision, c'est extrêmement important. Parce que pour un botteur, là, il faut que tu te mettes dans la tête qu'un botteur, c'est comme un joueur de golf. Mm. Okay? Ça a toujours une mécanique très importante, un timing super important. Donc, une mauvaise remise peut amener un botté manqué qui est 3 points ou un botté bloqué qui remet l'équipe adverse en position incroyable. Donc, nous, comme coordinateur des unités spéciales, avoir un long snapper, qu'on appelle, là, un responsable des longues remises, c'est extrêmement important. Et puis, Martin Bédard, en plus d'être un homme d'exception, un gentleman, est excellent à cette position-là. Et moi, j'ai toujours dit que je vais faire des longues remises à mon gars là, dès qu'il est en mesure là, de bien contrôler un ballon de foot, parce que des longues remises, c'est la meilleure position au football pour justement durer pendant des années sans te blesser, sans te faire trop mal, mais continuer à jouer. À jouer la game. Donc, félicitations à Martin Bédard, mais à tous les joueurs qui font les longues remises, qui sont dans l'ombre, mais qui sont si importants. Tellement dans l'ombre. Pascal, les Alouettes, justement, à Calgary, écoute, c'est la meilleure défensive, parce qu'ils ont 38 points d'accordés depuis le début de l'année. Et en plus de ça, les Alouettes, il y a deux joueurs sur la ligne qui vont être blessés, ça va être des recrues qui sont là, avec un carrière pas mobile. Question, tu vas me dire pourquoi moi j'aurais été un carrière mobile. Si t'as deux joueurs de ligne qui sont des recrues, me semble que ça va passer assez vite. Puis Drew Willey, on connaît comment il est rapide, là. On est loin, c'est loin de Sean Watson. Ouais, ben, c'est sûr. C'est sûr que moi, la réponse que j'ai peut-être à ça, c'est que Vernon Adams n'est pas prêt, tout simplement. Okay. Il ne maîtrise pas le cahier de jeu du tout. Ouais. C'est peut-être les conditions qui font que, justement, Drew Willey est de retour à son poste. Il ne faut pas oublier non plus que la seule victoire de cette année, c'est Drew Willey qui l'a orchestré dans les trois premiers quarts. Sauf que, bon, j'ai hâte d'avoir, moi, Tyler Johnston qui arrive là pour un premier match, qui a été réclamé là, au repêchage supplémentaire par Kavis Reed, qui nous a coûté un choix de première ronde pour 2019, mais qui est selon moi un des bons moves là, de la part de Kavis Reed depuis un bon bout de temps. Là, à 6'6", 275, Tyler Johnston est un des bons joueurs de ligne qu'on va peut-être voir évoluer chez les Alouettes. En tout cas, je suis assez convaincu que ça, c'est une bonne décision. Puis on avait besoin, justement, avec les deux blessures là, sur la ligne à l'attaque. Ben, les deux blessures plus nos deux bloqueurs qu'on a perdus l'an passé. Il faut se dire que c'est... ça va être intéressant de voir ça. Là. Il faut aussi mentionner Chris Williams qui est absent. Ouais. Stephen Logan qui n'est pas en uniforme non plus pour parce qu'il est blessé. Donc on va avoir un nouveau retourneur également. Donc tu sais, les unités spéciales, t'as parlé de Martin Bédard. Les retours, c'est une difficulté chez les Alouettes depuis très longtemps. Ah, là, ouais, depuis deux, trois ans. Ça fait longtemps, c'est ça. Donc, puis la ligne à l'attaque. Donc là, les deux places qu'on a déjà de la difficulté, on met des nouvelles personnes. Bon, espérons que ça soit un peu une bougie d'allumage pour l'équipe. Puis, tu sais, le petit DeMarnay Personnel, là, qui va prendre les retours de beauté, lui, là, c'est ce qu'on appelle un do or die, là, tu sais. Lui, il va avoir une opportunité, puis c'est sa chance de démontrer ce qu'il peut faire. Il va tout donner. Ouais. Puis, le changement, la ligne à l'attaque, ben, c'est pas comme si on avait un noyau de ligne à l'attaque en ce moment qui performait. Pascal, dernier point, je veux t'emmener. Il y en a un joueur d'ici. Ben, tu connais peut-être un peu de réputation parce qu'il commence à avoir une bonne réputation. Puis il a joué la première année au football collégial à Québec, 3e division. C'est Philippe Lavoie. Philippe Lavoie qui joue au championnat du monde U19 au Mexique. Ils vont affronter d'ailleurs le Mexique en finale. C'est surprenant que ce n'est pas les Américains. Pour un jeune de même qui joue pour l'équipe canadienne à 19 ans, ça veut-tu dire qu'il y a de très grosses chances qu'il puis il joue, là, il n'est pas rien que réserviste, il est là, puis c'est le ailier défensif qui joue le plus. Ça veut dire probablement qu'il y a des bonnes chances de ça veut dire que déjà des recruteurs de l'équipe canadienne doivent sûrement le connaître, hein? Ben, en fait, c'est les recruteurs de la ligne canadienne, je dirais pas nécessairement, mais définitivement, tous les entraîneurs universitaires les connaissent, c'est eux qui les entraînent, et ils vont être connus à travers le Canada. Tu sais, on a des footballs qui tu sais, on l'a vu là avec l'équipe Québec, 16 ans et moins, qui ont gagné le championnat. Bon, là, 18 ans et moins ont perdu contre l'Alberta cette semaine, là. Mais on performe au niveau du Québec, mais on n'a pas tout le temps la vitrine nationale, si on veut. Certains joueurs vont se faire recruter dans l'Ouest canadien, en Ontario, mais pas tous les joueurs, dépendamment pour quelle formation tu évolues et ainsi de suite. Mais là, ça, c'est une belle plateforme pour des jeunes hommes de se faire valoir. Puis des fois même, de se faire valoir auprès d'entraîneurs de la NCAA. Ouais. Parce qu'on le sait que les universitaires américains également regardent ce championnat-là pour se faire pour découvrir des surprises, justement. Bon, c'est rien, là, c'est rien de garanti là-dedans, mais c'est effectivement un événement super important pour les jeunes joueurs, puis se faire valoir. Puis c'est un peu la continuité de la Coupe Spalding, équipe Québec, équipe Canada, puis ça nous forme des joueurs année après année qui permet à des équipes comme les Carabins, le Vert et Or, le Rouge et Or d'être compétitifs, performants et d'espérer justement remporter des Coupes Vanier avec seulement une province. Hein, parce que toutes les autres équipes, eux, ont le pays au complet pour piger. Là. Effectivement. Pascal, gros merci. On se reparle la semaine prochaine. Ben, ça fait plaisir. Collaborateur de football, Pascal.